essoufflée par tant d'efforts, s'enfilant dans les méandres herborisés, le reptile affamé suinte d'envie. Soufflé par tant d'efforts, s'enfilant dans la merde herborisée, le reptile affamé suinte d'envie. Là de traquer la proie du tissu absente, il s'adonne à la faim. Elle ira loin cette pensée, enfumée par l'ivresse. Elle le guide à travers les vapeurs, tant que le chasson se défait. C'est qu'il aime ça, s'évaporer par-delà des ruisseaux, survoler le cours d'eau plutôt qu'y habiter. Bien sûr, bientôt il faudra bien qu'il chasse. Et depuis son filet d'eau, il observe chanter les masses. Anatole, le squamax s'éclate dans la trimba. Mieux que tous de pirates, il se donne à l'étreinte. Anatole, suivant, est pourtant démoniaque. Anatole, le malin, Anatole, le squamax. Anatole, le squamax s'éclate dans la trimba. Mieux que tous de pirates, il se donne à la trimba. Anatole Simard est pourtant démoniaque. Anatole le malin, Anatole le squamax. En effet, c'est qu'il aime ça, s'évaporer par-delà les ruisseaux, survoler le cours d'eau plutôt qu'y habiter.